regard brûle au fond de l'ombre. Chaque mot susurre et me submerge. Tes lèvres glissent, je perds le temps. Chaque souffle m'appelle doucement. Rider ce qu'il commande dans la nuit. Sa voix grave me guide et me suit. Nos deux murmures s'enflamment encore. Chaque désir franchit le décor. Ce qu'il règne, brutal.